Chapitre 1 de Les Dents du Tigre. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Bidou. Les Dents du Tigre, par Maurice Leblanc. Chapitre 1. D'Artagnan, Porthos et Monte Cristo. À 4h30, Monsieur Desmalions, le préfet de police, n'étant pas encore de retour, son secrétaire particulier rangea sur le bureau un paquet de lettres et de rapports qu'il avait annotés, sonna et dit à l'huissier qui entrait par la porte principale « Monsieur le préfet a convoqué pour 5h plusieurs personnes, dont voici les noms. Vous les ferez attendre séparément, afin qu'elles ne puissent communiquer entre elles, et vous me donnerez leurs cartes. » L'huissier sortit. Le secrétaire se dirigeait vers la petite porte qui donnait sur son cabinet, quand la porte principale fut rouverte, et livra passage à un homme qui s'arrêta et s'appuya en chancelant contre le dossier d'un fauteuil. « Tiens, » fit le secrétaire, « c'est vous, Véraud ? Mais qu'y a-t-il donc ? Qu'est-ce que vous avez ?» L'inspecteur Véraud était un homme de forte corpulence, puissant des épaules, haut en couleur. Une émotion violente devait le bouleverser, car sa face, striée de filaments sanguins, d'ordinaire congestionnée, paraissait presque pâle. « Mais rien, monsieur le secrétaire. Mais si, vous n'avez plus votre air de santé. Vous êtes livide. » Et puis ces gouttes de sueur. L'inspecteur Véraud essuya son front et, se ressaisissant, un peu de fatigue, je me suis surmené ces jours-ci. Je voulais à tout prix éclaircir une affaire dont monsieur le préfet m'a chargé. Tout de même, c'est drôle ce que j'éprouve. Voulez-vous un cordial ? Non, non, j'ai plutôt soif. Un verre d'eau ? Non, non. Alors, je voudrais. La voix s'embarrassait. Il eut un regard anxieux, comme si, tout à coup, il n'eût pu prononcer d'autres paroles. Mais reprenant le dessus. « Monsieur le préfet n'est pas là ?»« Non, il ne sera là qu'à 5h, pour une réunion importante. »« Oui, je sais, très importante. C'est aussi pour cela qu'il m'a convoqué. Mais j'aurais voulu le voir avant. J'aurais tant voulu le voir. » Le secrétaire examina Véraud et lui dit. « Comme vous êtes agité, votre communication a donc tellement d'intérêt ?»« Un intérêt considérable. Il s'agit d'un crime qui a eu lieu il y a un mois, jour pour jour. Et il s'agit surtout d'empêcher deux assassinats. » qui sont la conséquence de ce crime et qui doivent être commis cette nuit. Oui, cette nuit, fatalement, si nous ne prenons pas les mesures nécessaires. Voyons, asseyez-vous, Véraud. Ah, c'est que tout cela est combiné d'une façon si diabolique. Non, on ne s'imagine pas. Mais puisque vous êtes prévenu, Véraud, puisque monsieur le préfet va vous donner tout pouvoir. Oui, évidemment, évidemment. Mais tout de même, c'est effrayant de penser que je pourrais ne pas le rencontrer. Alors, j'ai eu l'idée d'écrire cette lettre. Où je lui raconte tout ce que je sais sur l'affaire. C'était plus prudent. Il remit une grande enveloppe jaune au secrétaire, et il ajouta. Tenez, voici une petite boîte également que je mets sur cette table. Elle contient quelque chose qui sert de complément et d'explication au contenu de la lettre. Mais pourquoi ne gardez-vous pas tout cela? J'ai peur, on me surveille, on cherche à se débarrasser de moi. Je ne serai tranquille que quand je ne serai plus seul à connaître le secret. Ne craignez rien, Véraud. Monsieur le préfet ne saurait tarder à arriver. Jusque-là, je vous conseille de passer à l'infirmerie et de demander un cordial. » L'inspecteur parut indécis. De nouveau, il essuya son front qui dégoûtait. Puis, se raidissant, il sortit. Une fois seul, le secrétaire glissa la lettre dans un dossier volumineux étalé sur le bureau du préfet et s'en alla par la porte qui communiquait avec son cabinet particulier. Il l'avait à peine refermée que la porte de l'antichambre fut ouverte encore une fois et que l'inspecteur rentra en bégayant. « Monsieur le secrétaire !» Il est préférable que je vous montre. » Le malheureux était blême, il claquait des dents. Quand il s'aperçut que la pièce était vide, il voulut marcher vers le cabinet du secrétaire. Mais une défaillance le prit, et il s'écroula sur une chaise, où il demeura quelques minutes, anéanti, la voix gémissante. « Qu'est-ce que j'ai ? Est-ce du poison, moi aussi ? Oh, j'ai peur, j'ai peur !» Le bureau se trouvait à portée de sa main. Il saisit un crayon, approcha un bloc-notes, et commença à griffonner des mots. Mais il balbutia. « Mais non, pas la peine, monsieur le préfet va lire ma lettre. Qu'est-ce que j'ai donc ? Oh, j'ai peur !» D'un coup, il se dressa sur ses jambes et articula. « Monsieur le secrétaire, il faut que... C'est pour cette nuit. Rien au monde n'empêchera !» À petits pas, comme un automate, tendu par un effort de toute sa volonté, il avança vers la porte du cabinet. Mais en route, il vacilla et dut s'asseoir une seconde fois. Une terreur folle le secoua et il poussa des cris. Si faible, hélas, qu'on ne pouvait l'entendre. Il se rendit compte, et du regard, chercha une sonnette, un timbre, mais il n'y voyait plus. Un voile d'ombre semblait peser sur ses yeux. Alors il tomba à genoux, rampa jusqu'au mur, battant l'air d'une main comme un aveugle, et finit par toucher des boiseries. C'était le mur de séparation. Il le longea. Malheureusement, son cerveau confus ne lui présentait plus qu'une image trompeuse de la pièce, de sorte qu'au lieu de tourner vers la gauche, comme il l'eût dû, il suivit le mur à droite, derrière un paravent qui masquait une petite porte. Sa main ayant rencontré la poignée de cette porte, il réussit à ouvrir. Il balbutia « Au secours ! Au secours !» et s'abattit dans une sorte de réduit qui servait de toilette au préfet de police. « Cette nuit » gémissait-il, croyant qu'on l'entendait et qu'il se trouvait dans le cabinet du secrétaire. « Cette nuit ! Le coup est pour cette nuit ! Vous verrez ! La marque des dents ! Quelle horreur ! Comme je souffre ! Au secours ! C'est le poison ! Sauvez-moi !» La voix s'éteignit. Il dit plusieurs fois, comme dans un cauchemar, « Les dents ! Les dents blanches ! Elles se referment !» Puis la voix s'affaiblit encore. Des sons indistincts sortirent de ses lèvres blêmes. Sa bouche parut mâchée dans le vide, comme celle de certains vieillards qui ruminent interminablement. Sa tête s'inclina peu à peu sur sa poitrine. Il poussa deux ou trois soupirs, fut secoué d'un grand frisson et ne bougea plus. Et le râle de l'agonie commença, très bas, d'un rythme égal, avec des interruptions où un effort suprême de l'instinct semblait ranimer le souffle vacillant de l'esprit et susciter dans les yeux éteints comme des lueurs de conscience. À 5h10, le préfet de police entrait dans son cabinet de travail. Monsieur Desmalions, qui occupait son poste depuis quelques années, avec une autorité à laquelle tout le monde rendait hommage, était un homme de 50 ans, lourd d'aspect mais de figure intelligente et fine. Sa mise, veston et pantalon gris, guêtre blanche, cravate flottante, n'avait rien d'une mise de fonctionnaire. Les manières étaient dégagées, simples, pleines de bonhomie et de rondeur. Ayant sonné, il fut aussitôt rejoint par son secrétaire, auquel il demanda « Les personnes que j'ai convoquées sont ici ?»« Oui, monsieur le préfet, et j'ai donné l'ordre qu'on les fît attendre dans des pièces différentes. Oh, il n'y avait pas d'inconvénient à ce qu'elles puissent communiquer entre elles. Cependant, cela vaut mieux. J'espère que l'ambassadeur des États-Unis ne s'est pas dérangé lui-même. Non, monsieur le préfet. Vous avez les cartes de ces messieurs ? Voici. » Le préfet de police prit les 5 cartes qu'on lui tendait et lut. Archibald Bright, premier secrétaire de l'ambassade des États-Unis. Maître Lepertuis, notaire. Juan Caceres, attaché à la légation du Pérou. Le commandant Comte d'Astrignac, en retraite. La 5e carte portait simplement un nom, sans adresse ni d'autre désignation. Don Luis Perena. J'ai bien envie de le voir, celui-là, fit Monsieur Desmalions. Il m'intéresse diablement. Vous avez lu le rapport de la Légion étrangère ? Oui, monsieur le préfet, et j'avoue que moi aussi, ce monsieur m'intrigue. N'est-ce pas ? Quel courage ! Une sorte de fou héroïque et vraiment prodigieux. Et puis, ce surnom d'Arsène Lupin, que ses camarades lui avaient donné, tellement il les dominait et les stupéfiait. Il y a combien de temps qu'Arsène Lupin est mort ? 2 ans avant la guerre, monsieur le préfet. On a retrouvé son cadavre, et celui de Madame Kesselbach, sous les décombres d'un petit chalet incendié, non loin de la frontière du Luxembourg. L'enquête a prouvé qu'il avait étranglé cette monstrueuse Madame Kesselbach, dont les crimes furent découverts par la suite, et qu'il s'était pendu après avoir mis le feu au chalet. C'est bien la fin que méritait ce dernier personnage, dit Monsieur Desmalions. Et j'avoue que pour ma part, je préfère de beaucoup n'avoir pas à le combattre. Voyons, où en sommes-nous ? Le dossier de l'héritage Mornington est prêt ? C'est votre bureau, monsieur le préfet. Bien, mais j'oubliais. L'inspecteur Véraud est-il arrivé ? Oui, monsieur le préfet. Il doit être en infirmerie, en train de se réconforter. Qu'est-ce qu'il avait donc ? Il m'a paru dans un drôle d'état, assez malade. Comment ? Expliquez-moi donc. Le secrétaire raconta l'entrevue qu'il avait eue avec l'inspecteur Véraud. Et vous dites qu'il m'a laissé une lettre ? Fit M. Desmalions d'un air soucieux. Où est-elle ? Dans le dossier, monsieur le préfet. Bizarre, tout cela est bizarre. Véraud est un inspecteur de premier ordre, d'un esprit très rassis, et s'il s'inquiète, ce n'est pas à la légère. Ayez donc l'obligeance de me l'amener. Pendant ce temps-là, je vais prendre connaissance du courrier. » Le secrétaire s'en alla rapidement. Quand il revint 5 minutes plus tard, il annonça d'un air surpris qu'il n'avait pas trouvé l'inspecteur Véraud. Et ce qu'il y a de plus curieux, monsieur le préfet, c'est que l'huissier, qu'il avait vu sortir d'ici, l'a vu rentrer presque aussitôt, et qu'il ne l'a pas vu sortir une seconde fois. Peut-être n'aura-t-il fait que traverser cette pièce pour passer chez vous ? Chez moi, monsieur le préfet ? Je n'ai pas bougé de chez moi. Alors c'est incompréhensible. Incompréhensible. À moins d'admettre que l'huissier ait eu un moment d'inattention, puisque Véraud n'est ni ici ni à côté. Évidemment, Sans doute aura-t-il été prendre l'air et va-t-il revenir d'un instant à l'autre. Je n'ai d'ailleurs pas besoin de lui dès le début. » Le préfet regarda sa montre. « 5h10. Veuillez dire à l'huissier qu'il introduise ces messieurs. Ah, cependant... » Monsieur Desmalions hésita. En feuilletant le dossier, il avait trouvé la lettre de Véro. C'était une grande enveloppe de commerce jaune, au coin de laquelle se trouvait l'inscription « Café du Pont-Neuf ». Le secrétaire insinua. « Étant donné l'absence de Véro et les paroles qu'il m'a dites, je crois urgent, monsieur le préfet, que vous preniez connaissance de cette lettre. » Monsieur Desmalions réfléchit. « Oui, peut-être avez-vous raison. » Puis, se décidant, il mit un stylet dans le haut de l'enveloppe et coupa vivement. Un cri lui échappa. « Ah non, celle-là est raide. Qu'est-ce qu'il y a donc, monsieur le préfet ? Ce qu'il y a ? Tenez, une feuille de papier blanc. Voilà tout ce que contient l'enveloppe. Impossible ! Regardez, une simple feuille pliée en quatre, pas un mot dessus. » Pourtant, Véro m'a dit, en propres termes, qu'il avait mis là-dedans tout ce qu'il savait de l'affaire. Il vous l'a dit, mais vous voyez bien. Vraiment, si je ne connaissais pas l'inspecteur Véro, je croirais à une plaisanterie. Une distraction, monsieur le préfet, tout au plus. Certes, une distraction, mais qui m'étonne de sa part. On n'a pas de distraction quand il s'agit de la vie de deux personnes. Car elle vous a bien averti qu'un double assassinat était combiné pour cette nuit. Oui, monsieur le préfet, pour cette nuit. Et dans des conditions particulièrement effrayantes. Diaboliques, m'a-t-il dit. Monsieur Desmalions se promenait à travers la pièce, les mains au dos. Il s'arrêta devant une petite table. « Qu'est-ce que c'est que ce paquet à mon adresse, monsieur le préfet de police, à ouvrir en cas d'accident ?»« En effet, dit le secrétaire, je n'y pensais pas. C'est encore de l'inspecteur Véro, une chose importante selon lui, et qui sert de complément et d'explication au contenu de la lettre. »« Ma foi, dit monsieur Desmalions, qui ne put s'empêcher de sourire, la lettre en a besoin d'explication. Et quoi qu'il ne soit pas question d'accident, je n'hésite pas. » Tout en parlant, il avait coupé une ficelle et découvert sous le papier qui l'enveloppait une boîte. Une petite boîte en carton, comme les pharmaciens en emploi, mais salie celle-là, abîmée par l'usage qu'on en avait fait. Il souleva le couvercle. Dans le carton, il y avait des feuilles d'ouate, assez malpropres également, et au milieu de ces feuilles, une demi-tablette de chocolat. « Que diable cela veut-il dire ? » marmotta le préfet avec étonnement. Il prit le chocolat, le regarda, et tout de suite son examen lui montra ce que cette tablette, de matière un peu molle, offrait de particulier. Et les raisons certaines pour lesquelles l'inspecteur Véro l'avait conservée. En dessus et en dessous, elle portait des empreintes de dents, très nettement dessinées, très nettement détachées les unes des autres, enfoncées de 2 ou 3 millimètres dans le bloc de chocolat, chacune ayant sa forme et sa largeur spéciale, et chacune écartée des autres par un intervalle différent. La mâchoire qui avait ainsi commencé à croquer la tablette avait incrusté la marque de 4 de ses dents supérieures et de 5 dents du bas. Monsieur Desmalions resta pensif, et, la tête baissée, il reprit durant quelques minutes sa promenade de long en large, en murmurant. « Bizarre, il y a là une énigme dont je voudrais bien avoir le mot. Cette feuille de papier, ces empreintes de dents, que signifie toute cette histoire ?» Et comme il n'était pas homme à s'attarder longtemps à une énigme dont la solution devait lui être révélée d'un moment à l'autre, puisque l'inspecteur Véro se trouvait dans la préfecture même, ou aux environs, il dit à son secrétaire « Je ne puis faire attendre ces messieurs plus longtemps. » Veuillez donner l'ordre qu'on les fasse entrer. Si l'inspecteur Véro arrive durant la réunion, comme cela est inévitable, prévenez-moi aussitôt, j'ai hâte de le voir. Sauf cela, qu'on ne me dérange sous aucun prétexte, n'est-ce pas ? 2 minutes après, l'huissier introduisait Maître Lepertuis, gros homme rubicon, à lunettes et à favoris, puis le secrétaire d'ambassade, Archibald Bright, et l'attaché péruvien, Caceres. Monsieur Desmalions, qui les connaissait tous trois, s'entretint avec eux. Et ne les quitta que pour aller au-devant du commandant comte d'Astrignac, le héros de la Chouïa, que ses blessures glorieuses avaient contraint à une retraite prématurée, et auquel il adressa quelques mots chaleureux sur sa belle conduite au Maroc. La porte s'ouvrit encore une fois. « Don Luis Perena, n'est-ce pas ?» dit le préfet en tendant la main à un homme de taille moyenne, plutôt mince, décoré de la médaille militaire et de la Légion d'honneur, et que sa physionomie, que son regard, que sa façon de se tenir et son allure très jeune permettait de considérer comme un homme de 40 ans, bien que certaines rides au coin des yeux et sur le front indiquassent quelques années de plus. Il salua. « Oui, monsieur le préfet. » Le commandant d'Astrignac s'écria. « C'est donc vous, Perena. Vous êtes donc encore de ce monde. Ah, mon commandant, quel plaisir de vous revoir. Perena vivant. Mais quand j'ai quitté le Maroc, on était sans nouvelles de vous, on vous croyait mort. Je n'étais que prisonnier. Prisonnier des tribus, c'est la même chose. Pas tout à fait, mon commandant. On s'évade de partout, la preuve. » Durant quelques secondes, le préfet de police examina, avec une sympathie dont elle ne pouvait se défendre, ce visage énergique, à l'expression souriante, aux yeux francs et résolus, au teint bronzé comme cuit et recuit par le feu du soleil. Puis, faisant signe aux assistants de prendre place autour de son bureau, lui-même s'assit et s'expliqua de la sorte, en un préambule articulé nettement et lentement. « La convocation que j'ai adressée à chacun de vous, messieurs, a dû vous paraître quelque peu sommaire et mystérieuse. Et la manière dont je vais entamer notre conversation ne sera point pour atténuer votre étonnement. Mais, si vous voulez bien m'accorder quelques crédits, il vous sera facile de constater qu'il n'y a rien dans tout cela que de très simple et de très naturel. D'ailleurs, je serai aussi bref que possible. » Il ouvrit devant lui le dossier préparé par son secrétaire, et tout en consultant les notes, il reprit. Quelques années avant la guerre de 1870, trois sœurs, trois orphelines, âgées de 22, de 20 et de 18 ans, Hermeline, Elisabeth et Armande Roussel, habitaient Saint-Étienne, avec un cousin germain du nom de Victor, plus jeune de quelques années. L'aînée, Hermeline, quitta Saint-Étienne la première pour suivre à Londres un Anglais du nom de Mornington, qu'elle devait épouser, et dont elle eut un fils, qui reçut le prénom de Cosmo. Le ménage était pauvre et traversa de rudes épreuves. Plusieurs fois, Hermeline écrivit à ses sœurs pour leur demander quelques secours. Ne recevant pas de réponse, elle cessa toute correspondance. Vers 1875, Monsieur et Madame Mornington partirent pour l'Amérique. 5 ans plus tard, ils étaient riches. Monsieur Mornington mourut en 1883, mais sa femme continua de gérer la fortune qui lui était léguée, et comme elle avait le génie de la spéculation et des affaires, elle porta cette fortune à un chiffre colossal. Quand elle décéda, en 1905, elle laissait à son fils la somme de 400 millions. Le chiffre parut faire quelque impression sur les assistants. Le préfet ayant surpris un regard entre le commandant et Don Luis Perena leur dit « Vous avez connu Cosmo Mornington, n'est-ce pas ?»« Oui, monsieur le préfet, » répliqua le comte d'Astrignac. « Il séjournait au Maroc, quand nous y combattions, Perena et moi. »« En effet, » reprit monsieur Desmalions, « Cosmo Mornington s'était mis à voyager. Il s'occupait de médecine, m'a-t-on dit, et donnait ses soins, lorsque l'occasion s'en présentait, avec beaucoup de compétences, et gratuitement, bien entendu. Il habita l'Égypte, puis l'Algérie et le Maroc, et, à la fin de 1914, passa en Amérique pour y soutenir la cause des Alliés. L'année dernière, après l'armistice, il s'établit à Paris. Il y est mort voici 4 semaines, à la suite de l'accident le plus stupide. Une piqûre mal faite, n'est-ce pas, monsieur le préfet ? Dit le secrétaire d'ambassade des États-Unis. Les journaux ont parlé de cela, et nous-mêmes, à l'ambassade, nous avons été prévenus. Oui, déclara monsieur Desmalions. Pour se remettre d'une longue influenza qui l'avait tenu au lit tout l'hiver, monsieur Mornington, sur l'ordre de son docteur, se faisait des piqûres de glycérophosphate de soude. L'une de ces piqûres n'ayant pas été entourée, évidemment, de toutes les précautions nécessaires, la plaie s'envenima avec une rapidité foudroyante. En quelques heures, monsieur Mornington était emporté. Le préfet de police se retourna vers le notaire et lui dit « Mon résumé est-il conforme à la réalité, maître Le Pertuis ?»« Exactement conforme, monsieur le préfet. » Monsieur Desmalions reprit. Le lendemain matin, maître Le Pertuis se présentait ici et, pour des raisons que la lecture de ce document vous expliquera, me montra le testament de Cosmo Mornington que celui-ci avait déposé entre ses mains. Tandis que le préfet compulsait les papiers, maître Le Pertuis ajouta « Monsieur le préfet me permettra de spécifier que je n'ai vu mon client, avant d'être appelé à son lit de mort, qu'une seule fois. Le jour, il me manda dans la chambre de son hôtel pour me remettre le testament qu'il venait d'écrire. C'était au début de son influenza. Dans notre conversation, il me confia qu'il avait fait, en vue de retrouver la famille de sa mère, quelques recherches qu'il comptait poursuivre sérieusement après sa guérison. Les circonstances l'en empêchèrent. Cependant, le préfet de police avait sorti du dossier une enveloppe ouverte qui contenait 2 feuilles de papier. Il déplia la plus grande et dit « Voici le testament. Je vous demanderai d'en écouter la lecture avec attention, ainsi que celle de la pièce annexe qui l'accompagne. Je, sous-signé Cosmo Mornington, fils légitime de Hubert Mornington et d'Hermeline Roussel, naturalisé citoyen des États-Unis, lègue à mon pays d'adoption la moitié de ma fortune, pour être employé en œuvre de bienfaisance, conformément aux instructions écrites de ma main, que maître Le Pertuis voudra bien transmettre à l'ambassade des États-Unis. Pour les 200 millions, environ constitués par mes dépôts dans diverses banques de Paris et de Londres, dépôts dont la liste est en l'étude de maître Le Pertuis, je les lègue, en souvenir de ma mère bien-aimée, d'abord à sa sœur préférée, Elisabeth Roussel, ou aux héritiers en ligne directe d'Elisabeth Roussel. Sinon, à sa seconde sœur, Armande Roussel, ou aux héritiers directs d'Armande. Sinon, à leur défaut, à leur cousin Victor, ou à ses héritiers directs. Au cas où je disparaîtrais, sans avoir retrouvé les membres survivants de la famille Roussel ou du cousin des trois sœurs, je demande à mon ami, Don Luis Perena, de faire toutes les recherches nécessaires. Je le nomme à cet effet mon exécuteur testamentaire pour la partie européenne de ma fortune, et je le prie de prendre en main la conduite des événements qui pourraient survenir après ma mort ou par suite de ma mort, de se considérer comme mon représentant et d'agir en tout pour le bien de ma mémoire et l'accomplissement de mes volontés. En reconnaissance de ce service et en mémoire des deux fois où il me sauva la vie, il voudra bien accepter la somme d'1 000 000. Le préfet s'interrompit quelques instants. Don Luis murmura. Pauvre Cosmo, je n'avais pas besoin de cela pour remplir ses derniers vœux. En outre, continua M. Desmalions, reprenant sa lecture, en outre, si 3 mois après ma mort, les recherches faites par Don Luis Perena et par Maître Le Pertuis n'ont pas abouti, si aucun héritier ni aucun survivant de la famille Roussel ne s'est présenté pour recueillir l'héritage, la totalité de 200 000 000 sera définitivement, et quelle que puisse être la réclamation ultérieure, acquise à mon ami, Don Luis Perena. Je le connais assez pour savoir qu'il fera de cette fortune un emploi conforme à la noblesse de ses desseins et à la grandeur des projets dont il m'entretenait avec un tel enthousiasme sous la tente marocaine. Monsieur Desmalions s'arrêta de nouveau et leva les yeux sur Don Luis. Il demeurait impassible, silencieux. Une larme pourtant brilla à la pointe de ses cils. Le comte d'Astrignac lui dit « Mes félicitations, Perena !»« Mon commandant, répondit-il, je vous ferai remarquer que cet héritage est subordonné à une condition. Et je vous jure bien que, si cela dépend de moi, les survivants de la famille Roussel seront retrouvés. »« J'en suis sûr, dit l'officier, je vous connais. » »« En tout cas, demanda le préfet de police à Don Luis, cet héritage conditionnel, vous ne le refusez pas ?»« Ma foi, non, dit Perena en riant. » Il y a des choses qu'on ne refuse pas. Ma question, dit le préfet, est motivée par ce dernier paragraphe du testament. Si pour une raison ou pour une autre, mon ami Perena refusait cet héritage, ou bien s'il était mort avant la date fixée pour le recueillir, je prie monsieur l'ambassadeur des États-Unis et monsieur le préfet de police de s'entendre sur les moyens de construire à Paris et d'entretenir une université réservée aux étudiants et aux artistes de nationalité américaine. Monsieur le préfet de police voudra bien, en tout cas, prélever une somme de 300 000 francs qu'il versera dans la caisse de ses agents. M. Desmalions replia la feuille de papier et en prit une autre. À ce testament est joint un codicille, constitué par une lettre que M. Mornington écrivit quelque temps après à Maître Le Pertuis, et où il s'explique sur certains points de façon plus précise. Je demande à Maître Le Pertuis d'ouvrir mon testament le lendemain de ma mort, en présence de M. le préfet de police, lequel voudra bien tenir la chose entièrement secrète durant 1 mois. 1 mois après, jour pour jour, il aura l'obligeance de réunir dans son cabinet un membre important de l'ambassade des États-Unis, Maître Le Pertuis et Don Luis Perena. Après lecture, un chèque d'1 000 000 devra être remis à mon légataire et ami, Don Luis Perena, sur le simple examen de ses papiers et sur la simple constatation de son identité. J'aimerais que cette constatation fût faite, au point de vue de la personne, par le commandant comte d'Astrignac, qui fut son chef au Maroc et qui malheureusement a dû prendre une retraite prématurée, au point de vue de l'origine, par un membre de la légation du Pérou, puisque Don Luis Perena, bien qu'ayant conservé la nationalité espagnole, est né au Pérou. En outre, j'exige que mon testament ne soit communiqué aux héritiers Roussel que 2 jours plus tard, et en l'étude de Maître Le Pertuis. Enfin, et ceci est la dernière expression de mes volontés, pour ce qui concerne l'attribution de ma fortune et le mode de procéder à cette attribution, Monsieur le Préfet voudra bien convoquer une seconde fois les mêmes personnes dans son cabinet, à une date qui pourra être choisie par lui entre le 60e et le 90e jour qui suivra la première réunion. C'est alors et alors seulement que l'héritier définitif sera désigné d'après ses droits et proclamé. Et nul ne pourra l'être s'il n'assiste à cette séance, à l'issue de laquelle Don Luis Perena, qui devra s'y rendre également, deviendra l'héritier définitif si, comme je l'ai dit, aucun survivant de la famille Roussel et du cousin Victor ne s'est présenté pour recueillir l'héritage. Tel est le testament de M. Cosmo Mornington, conclut le préfet de police. Et telles sont les raisons de votre présence ici, messieurs. Une 6e personne doit être introduite tout à l'heure. Un de mes agents, que j'ai chargé de faire une première enquête sur la famille Roussel, et qui vous rendra compte de ses recherches. Mais pour l'instant, nous devons procéder conformément aux prescriptions du testateur. Les papiers que sur ma demande, Don Luis Perena m'a fait remettre il y a 2 semaines, et que j'ai examiné moi-même, sont parfaitement en règle. Au point de vue de l'origine, j'ai prié Monsieur le ministre du Pérou de vouloir bien réunir les renseignements les plus précis. « C'est à moi, monsieur le préfet, » dit monsieur Caceres, l'attaché péruvien, que monsieur le ministre du Pérou accomplit cette mission. Elle fut facile à remplir. Don Luis Perena est d'une vieille famille espagnole émigrée il y a 30 ans, mais qui a conservé ses terres et ses propriétés d'Europe. De son vivant, le père de Don Luis, que j'ai rencontré en Amérique, parlait de son fils unique avec ferveur. C'est notre légation qui a appris au fils, voilà 5 ans, la mort du père. Voici la copie de la lettre écrite au Maroc. Et voilà la lettre elle-même, communiquée par Don Luis Perena, dit le préfet de police. Et vous, mon commandant, vous reconnaissez le légionnaire Perena qui combattit sous vos ordres? Je le reconnais, dit le comte d'Astrignac. Sans erreur possible? Sans erreur possible, et sans le moindre sentiment d'hésitation. Le préfet de police se mit à rire et insinua. Vous reconnaissez le légionnaire Perena, que ses camarades, par une sorte d'admiration stupéfiée pour ses exploits, appelaient Arsène Lupin? Oui, monsieur le préfet, riposta le commandant. Celui que ses camarades appelaient Arsène Lupin, mais que ses chefs appelaient tout court le héros. Celui dont nous disions qu'il était brave comme D'Artagnan, fort comme Porthos, et mystérieux comme Monte Cristo, dit en riant le préfet de police. Tout cela, en effet, se trouve dans le rapport que j'ai reçu du 4e régiment de la Légion étrangère. Rapport inutile à lire dans son entier, mais où je constate ce fait inouï que le légionnaire Perena, en l'espace de 2 ans, fut décoré de la médaille militaire, décoré de la Légion d'honneur pour service exceptionnel, et cité 7 fois à l'ordre du jour. Je relève au hasard. Monsieur le préfet, je vous en supplie, protesta Don Luis. Ce sont là les choses banales, et je ne vois pas l'intérêt. Un intérêt considérable, affirma Monsieur Desmalions. Ces messieurs sont ici, non pas seulement pour entendre la lecture d'un testament, mais aussi pour en autoriser l'exécution, dans la seule de ces clauses qui soit immédiatement exécutoire. La délivrance d'un legs s'élevant à 1 million. Il faut donc que la religion de ces messieurs soit éclairée sur le bénéficiaire de ce legs. Par conséquent, je continue. Alors, monsieur le préfet, dit Perena en se levant et en se dirigeant vers la porte, vous me permettrez? Demi-tour! Halte! Vite! Ordonna le commandant de l'Astrignac, d'un ton de plaisanterie. Il ramena Don Luis en arrière, au milieu de la pièce, et le fit asseoir. Monsieur le préfet, je demande grâce pour mon ancien compagnon d'armes, dont la modestie serait, en effet, mise à une trop rude épreuve si on lisait devant lui le récit de ses prouesses. D'ailleurs, le rapport est ici, et chacun peut le consulter. D'avance et sans le connaître, je souscris aux éloges qu'il contient, et je déclare que de ma carrière militaire, si remplie pourtant, je n'ai jamais rencontré un soldat qui pût être comparé au légionnaire Perena. Cependant, j'en ai vu des gaillards là-bas, des sortes de démons, comme on en trouve qu'à la Légion, qui se font crever la peau pour le plaisir, pour la rigolade, comme ils disent, histoire d'épater le voisin. Mais aucun ne venait à la cheville de Perena. Celui que nous appelions D'Artagnan, Porthos, Debussy, méritait d'être mis en parallèle avec les héros les plus étonnants de la légende et de la réalité. Je l'ai vu accomplir des choses que je ne voudrais pas raconter, sous peine d'être traité d'imposteur. Des choses si invraisemblables qu'aujourd'hui, de sang-froid, je me demande si je suis sûr de les avoir vues. Un jour, à cet âge, comme nous étions poursuivis. Un mot de plus, mon commandant, s'écria gaiement Don Luis, et je sors, tout de bon cette fois. Vrai, vous avez une façon d'épargner ma modestie, mon cher Perena, reprit le comte d'Astrignac. Je vous ai toujours dit que vous aviez toutes les qualités et un seul défaut, c'est de n'être pas français. Et je vous ai toujours répondu, mon commandant, que j'étais français par ma mère, et que je l'étais aussi de cœur et de tempérament. Il y a des choses que l'on ne peut accomplir que si on est français. Les deux hommes se serrèrent la main de nouveau affectueusement. Allons, dit le préfet de police, qu'il ne soit plus question de vos prouesses, monsieur, ni de ce rapport. J'y relèverai cependant ceci, c'est qu'au cours de l'été 1915, vous êtes tombé dans une embuscade de 40 berbères, que vous avez été capturé et que vous n'avez reparu à la Légion que le mois dernier. Oui, monsieur le préfet, pour être désarmé, les 5 années d'engagement étant largement dépassées. Mais comment monsieur Cosmo Mornington a-t-il pu vous désigner comme légataire, puisqu'au moment où il rédigeait son testament, vous étiez disparu depuis 4 ans? Cosmo et moi, nous correspondions. Hein? Oui, et je lui avais annoncé mon évasion prochaine et mon retour à Paris. Mais par quel moyen? Où étiez-vous? Et comment vous fut-il possible? Don Luis sourit sans répondre. Monte Cristo, cette fois, dit Monsieur Desmalions. Le mystérieux Monte Cristo. Monte Cristo, si vous voulez, monsieur le préfet. Le mystère de ma captivité, de mon évasion, bref, de toute ma vie pendant la guerre, est en effet assez étrange. Peut-être un jour sera-t-il intéressant de l'éclaircir. Je demande un peu de crédit. Il y eut un silence. Monsieur Desmalions examina de nouveau ce singulier personnage, et il ne put s'empêcher de dire, comme s'il eût obéi à une association d'idées dont lui-même ne se fût pas rendu compte. Un mot encore, le dernier. Pour quelle raison vos camarades vous donnaient-ils ce surnom bizarre d'Arsène Lupin? Était-ce seulement une allusion à votre audace À votre force physique ? Il y avait autre chose, monsieur le préfet. La découverte d'un vol très curieux, dont certains détails inexplicables en apparence m'avaient permis de désigner l'auteur. Vous avez donc le sens de ces affaires ? Oui, monsieur le préfet. Une certaine aptitude, que j'eus l'occasion d'exercer plusieurs fois en Afrique, d'où mon surnom d'Arsène Lupin, dont on parlait beaucoup à cette époque à la suite de sa mort. Ce vol était important ? Assez, et commis justement au préjudice de Cosmo Mornington, qui habitait alors la province d'Oran. C'est de là que datent nos relations. Il y eut un nouveau silence, et Dunwich ajouta. Pauvre Cosmo ! Cette aventure lui avait donné une confiance inébranlable dans mes petits talents de policier. Il me disait toujours « Perenna, si je meurs assassiné, c'était une idée fixe chez lui qu'il mourrait de mort violente, si je meurs assassiné, jurez-moi de poursuivre le coupable. » Ses pressentiments n'avaient pas justifié, dit le préfet de police. Cosmo Mornington n'a pas été assassiné. « C'est ce qui vous trompe, monsieur le préfet, » déclara Don Luis. Monsieur Desmalions sursauta. « Quoi ? Qu'est-ce que vous dites ? Cosmo Mornington ?»« Je dis que Cosmo Mornington n'est pas mort, comme on le croit, d'une piqûre mal faite. Mais il est mort, comme il le redoutait de mort violente. Mais monsieur, votre assertion ne repose sur rien. Sur la réalité, monsieur le préfet. Étiez-vous là ? Savez-vous quelque chose ? Je n'étais pas là le mois dernier. J'avoue même que, quand je suis arrivé à Paris, n'ayant pas lu les journaux de façon régulière, j'ignorais la mort de Cosmo. C'est vous, monsieur le préfet, qui me l'avez apprise tout à l'heure. En ce cas, monsieur, vous n'en pouvez connaître que ce que j'en connais, et vous devez vous en remettre aux constatations du médecin. Je le regrette, mais pour ma part, ces constatations sont insuffisantes. Mais enfin, monsieur, de quel droit cette accusation ? Avez-vous une preuve ? Oui. Laquelle ? Vos propres paroles, monsieur le préfet. Mes paroles ? Celles-ci, monsieur le préfet. Vous avez dit d'abord que Cosmo Mornington s'occupait de médecine, et qu'il pratiquait avec beaucoup de compétences. Et ensuite, qu'il s'était fait une piqûre qui, mal donnée, avait provoqué une inflammation mortelle et l'avait emporté en quelques heures. Oui ? Eh bien, monsieur le préfet, j'affirme qu'un monsieur qui s'occupe de médecine avec beaucoup de compétences et qui soigne des malades comme le faisait Cosmo Mornington est incapable de se donner une piqûre sans l'entourer de toutes les précautions antiseptiques nécessaires. J'ai vu Cosmo à l'œuvre. Je sais comment il s'y prenait. Alors ? Alors le médecin a écrit un certificat, comme le font tous les médecins, quand un indice quelconque n'éveille pas leurs soupçons. De sorte que votre avis ? Maître Le Pertuis, demanda Perenna en se tournant vers le notaire. Lorsque vous fûtes appelé au lit de mort de M. Mornington, vous n'avez rien remarqué d'anormal ? Non, rien. M. Mornington était entré dans le coma. Il est déjà bizarre, nota Don Luis, qu'une piqûre, si mauvaise qu'elle soit, produise des résultats si rapides. Il ne souffrait pas ? Non, ou plutôt si. Si, je me rappelle. Le visage offra des taches brunes, que je n'avais pas vues la première fois. Des taches brunes ? Cela confirme mon hypothèse. Cosmo Mornington a été empoisonné. Mais comment ? S'écria le préfet. Par une substance quelconque, que l'on aura introduite dans une des ampoules de glycérophosphate, ou dans la seringue dont se servait le malade. Mais le médecin, ajouta M. Desmalions. Maître Le Pertuis, reprit Perenna, avez-vous fait observer au médecin la présence de ces taches brunes ? Oui, il n'y attacha aucune importance. C'était son médecin ordinaire ? Non, son médecin ordinaire, le docteur Pujol, un de mes amis précisément, et qui m'avait adressé à lui comme notaire, était malade. Celui que j'ai vu à son lit de mort devait être un médecin du quartier. Voici son nom et son adresse, dit le préfet de police, qui avait cherché le certificat dans le dossier. Docteur Bellavoine, 14, rue d'Astorg. Vous avez un annuaire des médecins, monsieur le préfet ? Monsieur Desmalions ouvrit un annuaire qu'il feuilleta. Au bout d'un instant, il déclarait. Il n'y a pas de docteur Bellavoine, et aucun docteur n'habite au 14 de la rue d'Astorg. Un assez long silence suivit cette déclaration. Le secrétaire d'ambassade et l'attaché péruvien avaient suivi l'entretien avec un intérêt passionné. Le commandant d'Astrignac hochait la tête d'un air approbateur. Pour lui, Perenna ne pouvait pas se tromper. Le préfet de police avoua. Évidemment, évidemment, il y a un ensemble de circonstances plutôt équivoques. Ces taches brunes, ce médecin, c'est une affaire à étudier. Et comme malgré lui, interrogeant Don Luis Perenna, il dit « Et sans doute, selon vous, il y aurait corrélation entre le crime possible et le testament de M. Mornington ?»« Cela, je l'ignore, monsieur le préfet. » »« Ou alors, il faudrait supposer que quelqu'un connaissait le testament. »« Croyez-vous que ce soit le cas, maître Le Pertuis ?»« Je ne crois pas, car M. Mornington semblait agir avec beaucoup de circonspection. »« Et il n'est pas admissible, n'est-ce pas, qu'une indiscrétion ait pu être commise à votre étude ?»« Par qui ?»« Moi seul ai manié ce testament. » Et moi seul, d'ailleurs, ai la clé du coffre, où je range tous les soirs les documents de cette importance. Ce coffre n'a pas été l'objet d'une effraction ? Il n'y a pas eu de cambriolage dans votre étude ? Non. C'est un matin que vous avez vu Cosmo Mornington ? Un vendredi matin. Qu'avez-vous fait du testament jusqu'au soir, jusqu'à l'instant où vous l'avez rangé dans votre coffre-fort? Probablement l'aurais-je mis dans le tiroir de mon bureau. Et ce tiroir n'a pas été forcé? Maître Le Pertuis parut stupéfait et ne répondit pas. Eh bien, reprit Perrena. Eh bien, oui, je me rappelle, il y a eu quelque chose ce jour-là, ce même vendredi. Vous êtes sûr? Oui, quand je suis revenu après mon déjeuner, j'ai constaté que le tiroir n'était pas fermé à clé. Pourtant, je l'avais fermé, cela sans aucune espèce de doute. Sur le moment, je n'ai attaché à cet incident qu'une importance relative. Aujourd'hui, je comprends. Ainsi se vérifiaient au fur et à mesure toutes les hypothèses imaginées par Don Luis Perrena. Hypothèses appuyées, il est vrai, sur quelques indices, mais où il y avait, avant tout, une part d'intuition et de divination, réellement surprenante chez un homme qui n'avait assisté à aucun des événements, qu'il reliait entre eux avec tant d'habileté. « Nous n'allons pas tarder, monsieur, dit le préfet de police, à contrôler vos assertions, un peu hasardées, avouez-le, avec le témoignage plus rigoureux d'un de mes agents que j'ai chargé de cette affaire, et qui devra être ici. Son témoignage porte-t-il sur les héritiers de Cosmo Mornington ? Demanda le notaire. Sur les héritiers d'abord, puisqu'avant-hier il me téléphonait qu'il avait réuni tous les renseignements, et aussi sur les points mêmes dont... Mais tenez, je me rappelle qu'il a parlé à mon secrétaire d'un crime comme il y a un mois, jour pour jour. Or, il y a un mois, jour pour jour, de M. Cosmo Mornington ? D'un coup sec, M. Desmalions appuya sur un timbre. Aussitôt, son secrétaire particulier accourut. L'inspecteur Véraud ! Demanda vivement le préfet de police. Il n'est pas encore de retour. Qu'on le cherche, qu'on l'amène, il faut le trouver à tout prix et sans retard. Et s'adressant à Don Luis Perrena. Voilà une heure que l'inspecteur Véraud est venu ici, assez souffrant, très agité, paraît-il, en se disant surveillé et poursuivi. Il avait à me communiquer les déclarations les plus importantes sur l'affaire Mornington et à mettre la police en garde contre deux assassinats qui doivent être commis cette nuit et qui seraient la conséquence du meurtre de Cosmo Mornington. Et il était souffrant ? Oui, mal à l'aise et très bizarre même, l'imagination frappée. Par prudence, il m'a fait remettre un rapport détaillé sur l'affaire. Or, ce rapport n'est autre chose qu'une feuille de papier blanc. Voici cette feuille et son enveloppe. Et voici une boîte de carton qu'il a déposée également, et qui contenait une tablette de chocolat avec des empreintes dedans. Puis-je voir ces deux objets, monsieur le préfet ? Oui, mais ils ne vous apprendront rien du tout. Peut-être. Don Luis examina longuement la boîte en carton et l'enveloppe jaune où se livait l'inscription « Café du Pont Neuf ». On attendait ses paroles, comme si elles eussent dû apporter une lumière imprévue. Il dit simplement « L'écriture n'est pas la même sur l'enveloppe et sur la petite boîte. L'écriture de l'enveloppe est moins nette, un peu tremblante, visiblement imitée. Ce qui prouve ?» Ce qui prouve, monsieur le préfet, que cette enveloppe jaune ne provient pas de votre agent. Je suppose qu'après avoir écrit son rapport sur une table du café du Pont Neuf et l'avoir cacheté, il aura eu un moment de distraction, pendant lequel on a substitué à son enveloppe une autre enveloppe, portant la même adresse, mais ne contenant qu'une feuille blanche. Supposition, dit le préfet. Peut-être. Mais ce qu'il y a de sûr, monsieur le préfet, c'est que les pressentiments de votre inspecteur sont motivés. Qu'il est l'objet d'une surveillance étroite. Que les découvertes qu'il a pu faire sur l'héritage Mornington contrarie des manœuvres criminelles et qu'il court des dangers terribles. Oh oh ! Il faut le secourir, monsieur le préfet. Depuis le début de cette réunion, la conviction s'impose à moi que nous nous heurtons à une entreprise déjà commencée. Je souhaite qu'il ne soit pas trop tard et que votre inspecteur n'en soit pas la première victime. Eh, monsieur, s'écria le préfet de police, vous affirmez tout cela avec une conviction que j'admire, mais qui ne suffit pas à établir que vos craintes sont justifiées. Le retour de l'inspecteur Véraud en sera la meilleure démonstration. L'inspecteur Véraud ne reviendra pas. Mais enfin, pourquoi ? Parce qu'il est déjà revenu. L'huissier l'a vu revenir. L'huissier a la berlue. Si vous n'avez pas d'autre preuve que le témoignage de cet homme ? J'en ai une autre, monsieur le préfet, et que l'inspecteur Véraud a laissé ici même de sa présence. C'est quelques mots presque indéchiffrables qu'il a griffonnés sur le bloc-notes que votre secrétaire ne l'a pas vu écrire et qui viennent de me tomber sous les yeux. Les voici. N'est-ce pas une preuve qu'il est revenu ? Et une preuve formelle ? Le préfet ne cacha pas son trouble. Tous les assistants paraissaient émus. Le retour du secrétaire ne fit qu'augmenter les appréhensions. Personne n'avait vu l'inspecteur Véraud. « Monsieur le préfet, prononça Don Luis, j'insiste vivement pour qu'on interroge l'huissier. » Et dès que l'huissier fut là, il lui demanda, sans même attendre l'intervention de M. Desmalions, « Êtes-vous sûr que l'inspecteur Véraud soit rentré une seconde fois dans cette pièce ?»« Absolument sûr. Et qu'il n'en soit pas sorti. Absolument sûr. Vous n'avez pas eu la moindre minute d'inattention. Pas la moindre !» Le préfet s'écria. « Voyez bien, monsieur, si l'inspecteur Véraud était ici, nous le saurions. »« Il est ici, monsieur le préfet. »« Quoi ?»« Excusez mon obstination, monsieur le préfet, mais je dis que quand quelqu'un entre dans une pièce et qu'il n'en sort pas, c'est qu'il s'y trouve encore. »« Caché ? Fit Monsieur Desmalions qui s'irritait de plus en plus. Non, mais évanoui, malade, mort peut-être. Mais où, que diable ? Derrière ce paravent. Il n'y a rien derrière ce paravent, rien qu'une porte. Et cette porte donne sur un cabinet de toilette. Eh bien, monsieur le préfet, l'inspecteur Véraud, étourdi, titubant, croyant passer votre bureau dans celui de votre secrétaire, est tombé dans ce cabinet de toilette. Monsieur Desmalions se précipita. Mais au moment d'ouvrir la porte, il eut un geste de recul. Était-ce appréhension ? Désir de se soustraire à l'influence de cet homme stupéfiant qui donnait des ordres avec tant d'autorité et qui semblait commander aux événements eux-mêmes ? Don Luis demeurait imperturbable, en une attitude pleine de déférence. « Je ne puis croire !» dit Monsieur Desmalions. « Monsieur le préfet, je vous rappelle que les révélations de l'inspecteur Véraud peuvent sauver la vie à deux personnes qui doivent mourir cette nuit. Chaque minute perdue est irréparable. » Monsieur Desmalions haussa les épaules. Mais cet homme le dominait de toute sa conviction. Il ouvrit. Il ne fit pas un mouvement. Il ne poussa pas un cri. Il murmura simplement « Oh, est-ce possible ?» À la lueur pâle d'un peu de jour, qui entrait par une fenêtre aux vitres dépolies, on apercevait le corps d'un homme qui gisait à terre. « L'inspecteur ! L'inspecteur Véraud !» balbutia l'huissier qui s'était élancé. Avec l'aide du secrétaire, il put soulever le corps et l'asseoir sur un fauteuil du cabinet de travail. L'inspecteur Véraud vivait encore, mais si faiblement qu'on entendait à peine les battements de son cœur. Un peu de salive coulait au coin de sa bouche. Les yeux n'avaient pas d'expression. Cependant, certains muscles du visage remuaient, peut-être sous l'effort d'une volonté qui persistait, au-delà de la vie, aurait-on pu dire. Don Luis murmura « Regardez, monsieur le préfet, les taches brunes !» Une même épouvante bouleversa les assistants, qui se mirent à sonner et à ouvrir les portes en appelant au secours. « Le docteur !» ordonnait monsieur Desmalions. « Qu'on amène un docteur, le premier venu, et un prêtre ! On ne peut pourtant pas laisser cet homme !» Don Luis leva le bras pour réclamer du silence. « Il n'y a plus rien à faire, dit-il. Tâchons plutôt de profiter de ces dernières minutes. Voulez-vous me permettre, monsieur le préfet ?» Il s'inclina sur le moribond, renversa la tête branlante contre le dossier du fauteuil et d'une voix très douce, chuchota. « Véraud, c'est le préfet qui vous parle. Nous voudrions avoir quelques renseignements sur ce qui doit se passer cette nuit. Vous m'entendez bien, Véraud ? Si vous m'entendez, fermez les paupières. » Les paupières s'abaissèrent. Mais n'était-ce pas le hasard ? Don Luis continua. « Vous avez retrouvé les héritiers de Sir Roussel, cela nous le savons. Et ce sont deux de ces héritiers qui sont menacés de mort. Le double crime doit être commis cette nuit. Mais le nom de ces héritiers, qui sans doute ne s'appelle plus Roussel, nous est inconnu. Il faut nous le dire. Écoutez-moi bien. Vous avez inscrit sur un bloc-notes trois lettres qui paraissent former la syllabe FAU, F-A-U. Est-ce que je me trompe ? Est-ce le commencement d'un nom ? Quelle est la lettre qui suit ces trois lettres ? Est-ce un B ? Un C ? » Mais plus rien ne remuait dans le visage blême de l'inspecteur. La tête retomba lourdement sur la poitrine. Il poussa deux ou trois soupirs, fut secoué d'un grand frisson et ne bougea plus. Il était mort. Fin du chapitre 1.